l'œuvre de Saint-Simon semble exprimer une tension remarquable entre deux représentations du rapport de l'homme au langage. Un épisode justement célèbre et presque toujours cité dans les anthologies de la fin des mémoires le montre sans doute mieux qu'aucun autre, car le mémorialiste propose deux interprétations radicalement incompatibles de la scène qui vont dans les deux directions qui m'intéressent. En 1722, le maréchal de Villeroy, gouverneur du jeune Louis XV depuis le début de la Régence et ancien favori de Louis XIV, connaît des rapports de plus en plus tendus avec Dubois, qui a obtenu son chapeau de cardinal en juillet 1722 et s'apprête à être Premier ministre de la France. Les raisons de l'hostilité de Villeroy sont expliquées un peu avant le récit de la scène et paraissent assez proches de celles pour lesquelles Saint-Simon lui-même éprouve une véritable aversion pour le tout-puissant bras droit du duc d'Orléans. Alors je cite un texte qui n'est pas dans l'exemplier, c'est un texte court, qui évoque les sentiments de Villeroy à l'égard de Dubois. Il ne pouvait souffrir l'autorité que le cardinal Dubois avait prise dans les affaires, ni supporter le rang, l'état et la préséance d'un homme qu'il avait vu si longtemps ramper dans l'antichambre du chevalier de Lorraine et qu'il croyait combler alors d'un léger signe de tête en passant. La quantité de couleuvres avalées par Villeroy, qui a donc vu avec le temps ce pygmée lui marcher sur les pieds et sur la tête, rend les relations entre les deux hommes explosives. Mais Dubois, qui ne souhaite pas une rupture ouverte, organise avec l'aide du cardinal de Bissy, qui joue en l'occurrence les entremetteurs, une rencontre qui a lieu chez Dubois lui-même et dont l'enjeu est d'apaiser ses tensions. On connaît la suite. Alors qu'il vient officiellement pour se réconcilier avec lui, Villeroy se met à couvrir Dubois d'imprécations, de sarcasmes et de menaces, et cet éclat va précipiter sa chute. Or, dans les entretiens au sujet de cet événement entre le régent Dubois et Saint-Simon, puis entre le régent Saint-Simon et M. le Duc, qui se conclut par la décision d'arrêter Villeroy, deux manières de comprendre ce qui s'est passé sont évoquées. Pour Dubois, il n'y a aucun doute. Il arrive, fou de rage, dans le cabinet du régent, raconte la scène dont il a été la victime et présente l'incroyable violence verbale de Villeroy comme, je cite, « faussement et traîtreusement prémédité ». De son point de vue, Villeroy est sciemment arrivé chez lui avec l'intention de lui faire subir une terrible agression. Sa violence a été calculée et voulue, le tout fonctionnant à la fois comme un piège, puisque la feinte réconciliation n'avait pour but que de rendre par contraste plus insupportable la violence qui a éclaté, et comme un spectacle, puisque cette violence préméditée a été l'objet d'une sorte de jeu d'acteur d'un Villeroy, sachant parfaitement ce qu'il faisait. Cette manière de la comprendre représente ce que je vais appeler l'interprétation rhétorique de la scène, la parole de Villeroy étant pensée comme parfaitement maîtrisée dans l'articulation d'un effet recherché, l'humiliation de Dubois, et d'un arsenal de procédés rhétoriques de la parole d'invective que le maréchal est censé avoir employé sciemment. Cependant, un peu plus tard, Saint-Simon revient, alors qu'il discute des décisions à prendre au sujet de Villeroy, avec le régent et M. le Duc, sur les motifs de la sortie de Villeroy, et présente deux hypothèses à son sujet, dont l'une cautionne globalement l'interprétation rhétorique, alors que l'autre est d'une nature complètement différente. Il faut ici regarder le texte de près, même s'il est un peu long, un peu difficile. C'est pourquoi j'ai fait un exemplier, c'est notamment pour ce texte particulier. Il faut regarder donc les choses attentivement. Saint-Simon, je parle ici non bien sûr du mémorialisme et du personnage de Saint-Simon tel qu'il apparaît dans le récit de ces événements, remarque en effet, de manière assez ambiguë, donc je cite le texte, que cette scène montrait de deux choses l'une, hein, c'est le texte que vous avez dans l'exemplier, mais qui revenait au même point. Et j'ai mis les deux hypothèses en évidence par les caractères gras. Ou un homme persuadé par le cardinal de Bissy, qui trouve son orgueil satisfait par les hommages qu'il consentait de recevoir du cardinal de Dubois, et sa dignité assurée avec son repos par la part entière qui lui était offerte dans les affaires, et qui, charmé de l'avoir amené à ce point par ses hauteurs et par ses incartades, avait eu impatience de s'en mettre en possession en prévenant le cardinal Dubois et en allant chez lui avec le cardinal de Bissy, leur médiateur, sceller leur réconciliation et leur paix. Que de là, dans cette intention effective, la vue du cardinal Dubois l'avait troublé, l'arrangement de ses grands mots et son ton d'autorité l'avait barbouillé, qu'avec l'intention de bien dire, le jugement lui avait manqué, l'air de franchise et de supériorité l'avait emporté. De l'un à l'autre, s'échauffant dans son harnais, il n'avait pu reculer, la tête lui avait tourné, qu'après avoir commencé en homme sage, il avait poursuivi et fini comme un fou, et montré tout le venin de son âme et toute la superbe de sa sécurité, avec toute la complaisance d'un homme ivre qui attaque les murailles et braverait une armée. Ou bien, deuxième hypothèse, c'est un homme qui, gonflé de vent, charmé de réduire à ses pieds le cardinal Dubois, se persuade être l'homme dont on ne peut se passer, qu'on a osé ôter de sa place, et qu'on l'osera d'autant moins aujourd'hui qu'il est plus ancré, plus chéri du public par la conservation de la personne du roi, qu'il a su persuader lui être uniquement dû, par l'approche de la majorité, par toutes les raisons dans lesquelles un sot se mire, surtout par la persuasion que les démarches vers lui du cardinal Dubois, chargé de toutes les affaires, lui confirme l'excès de son importance. Plein, dis-je, de toutes ces idées qu'il ne sait ni peser ni digérer, il a amusé le cardinal de Bissy, a fait semblant de se rendre à ses raisons et aux hommages dont il lui a porté parole, dans la résolution de faire à tous les deux l'affront qu'il leur a fait, d'éclater sans plus de mesure, de se déclarer le persécuteur public du ministre qui s'humilie devant lui. Saint-Simon, personnage à bout dire, puisqu'il s'agit ici d'un discours rapporté de Saint-Simon qui nous est développé, les deux hypothèses qu'il fait au sujet de Villeroy reviennent peut-être au même point, la nécessité d'empêcher de nuire le gouverneur du jeune roi et d'agir contre lui avec fermeté, mais elles sont tout de même très différentes. La seconde confirme totalement la lecture faite des événements par Dubois. On y retrouve en effet l'idée d'un piège, d'une stratégie et d'un jeu d'acteur. Villeroy, dit-il, a dans ce cas amusé le cardinal de Bissy, c'est-à-dire qu'il s'est moqué de lui purement et simplement en feignant de vouloir se réconcilier. Il a fait semblant, je cite le texte, de se rendre à ses raisons pour mieux préparer son coup d'éclat et le rendre encore plus imprévisible et d'autant plus impressionnant et redoutable. Il n'a donc pas vécu de l'intérieur la folie furieuse qu'il a montrée face à Dubois, puisqu'il l'avait prémédité, mais il l'a joué comme un acteur maîtrisant tous les éléments topiques d'une éloquence enflammée. Sa parole a utilisé avec habileté les outils susceptibles de la rendre efficace pour le but qu'elle s'est fixé, anéantir son ennemi, l'écraser totalement. L'autre hypothèse, en revanche, qui est développée en premier, part au contraire de l'idée que Villeroy est venu chez Dubois avec la volonté sincère de se réconcilier et qu'il n'y avait donc pas du tout préméditation. C'est dans le feu de l'action que Villeroy s'est emporté, alors que sa volonté consciente allait à l'apaisement. C'est malgré lui que sa parole s'est progressivement enflammée en parvenant rapidement à un incroyable paroxysme de violence. Et si l'on regarde attentivement la manière dont cette hypothèse est construite, on remarque que l'idée d'un langage qui s'emballe sans que le sujet parlant ait sur lui l'ombre d'un contrôle est constamment présente. Le passage, notamment l'arrangement de ses grands mots et son ton d'autorité l'avait barbouillé, est particulièrement significatif puisque c'est comme si la parole elle-même avait, comme prenant une sorte d'autonomie, échauffé le maréchal en l'emportant vers une sorte de crise d'hystérie verbale. L'éclat n'est plus mis sur le compte de la préméditation, mais sur celui de la folie et d'une forme d'ivresse. Et le discours d'imprécation n'est plus présenté comme le jeu machiavélique d'un homme maître de soi, mais comme l'égarement absolu d'un homme qui ne maîtrise plus rien et qui vomit un flot de paroles irrépressibles sans avoir la possibilité d'empêcher cette parole de s'échapper, alors même, il faut tout de même insister sur ce point, qu'elle mène le personnage vers un véritable suicide social. Avouons que Saint-Simon ne met pas particulièrement en vedette cette hypothèse. Il la présente en premier, alors qu'il est de bonne rhétorique de mettre en valeur un des termes d'une alternative en lui donnant la seconde place. Il ne lui consacre quantitativement pas plus de lignes qu'à la seconde, et je dois même insister sur le fait que j'ai coupé la fin du développement consacré à cette dernière hypothèse, qui est donc plus longuement présentée en réalité. On pourrait même dire que le personnage de Saint-Simon qui est mis en scène dans le récit semble, si on veut absolument lui attribuer une forme de préférence, plutôt penché pour ce que j'ai appelé l'interprétation rhétorique de l'éclat de Villeroy, et se comporter, se faisant, en parfait homme d'ancien régime, comprenant a priori le langage plutôt comme un objet de maîtrise, non comme une sorte d'explosif capable de péter à n'importe quel moment dans les mains de celui qui prétend s'en emparer. Cependant, un autre point de vue reste à envisager, qui est celui, non du duc de Saint-Simon de 1723 vivant ces événements, mais du duc de Saint-Simon de la fin des années 1740 racontant l'entrevue de Dubois et de Villeroy. Avant de relire et de commenter le texte, qui est remarquable, un des plus saisissants des dernières années des mémoires, il n'est pas sans intérêt de rappeler l'opposition construite par Proust à propos de l'art en général et de la littérature en particulier entre l'homme et le créateur. L'image de Saint-Simon projetée dans les textes que je viens de lire est en effet en partie ancrée dans la représentation consciente qu'il a de lui-même, alors que le récit de l'altercation Dubois-Villeroy dans les mémoires est une création portée par un génie en incandescence. Il faut rappeler que Saint-Simon n'a naturellement pas assisté à la scène du conflit entre les deux hommes et qu'il ne nous propose pas une simple relation de ce qui s'est passé, ne présente nullement son récit comme proposant une interprétation parmi d'autres de l'épisode et nous le décrit tout simplement avec l'évidence et l'autorité d'une vision. La question de savoir si la scène telle qu'il l'a décrit correspond à ce qui s'est passé n'a donc aucun intérêt, alors que celle de la conception de l'être humain et de son rapport au langage qu'elle révèle est-elle d'un intérêt exceptionnel. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles il serait discutable de traiter cet extrait comme un épisode de roman, mais en l'occurrence, il présente effectivement le type de pensée sur le rapport de l'homme au langage qu'on pourrait trouver dans des pages de Dostoïevski ou de Proust. Saint-Simon évoque d'abord l'arrivée de Villeroy chez Dubois et les premières politesses qu'ils échangent. Puis il décrit presque immédiatement le dérapage de Villeroy et l'explosion d'incongruité qui le saisit. Alors je lis ce célèbre texte. D'abord, force compliments réciproques et propos du cardinal de Bissy convenables au sujet. De là, protestation du cardinal Dubois et réponse du maréchal. Mais à force de réponse, il s'empêtra dans le musical de ses phrases, bientôt se piqua de franchise et de dire des vérités, puis, peu à peu, s'échauffant dans son harnois, des vérités dures et qui sentaient l'injure. Dubois, bien étonné, ne fit pas semblant de sentir la force de ses propos, mais comme elle s'augmentait de moment à autre, Bissy, avec raison, voulut mettre Léola, interrompre, expliquer en bien les choses, persuader le maréchal quelle était son intention. Mais la marée montait toujours. Tourna tout à fait la tête au maréchal et le voilà aux injures et aux plus sanglants reproches. En vain, Bissy le voulut faire taire, lui représenter de combien il s'écartait de ce qu'il lui avait promis et chargé de rapporter à Dubois l'indécence sans exemple d'aller maltraiter un homme chez lui où il ne venait que pour une réconciliation conclue. Tout ce que put dire Bissy ne fit qu'animer le maréchal et lui faire vomir tout ce que l'insolence et le mépris peuvent suggérer de plus extravagant. Dubois, confondu et hors de lui-même, rentrait en terre sans proférer un seul mot, et Bissy, justement outré de colère, tâchait inutilement d'interrompre. Dans le feu subi qui avait saisi le maréchal, il s'était placé de façon qu'il leur avait bouché le passage pour sortir, et on disait toujours de plus belle. Là d'injures, il se mit sur les menaces et sur les dérisions. Il dit à Dubois que maintenant qu'il s'était montré à découvert, il n'était plus en termes de se pardonner l'un à l'autre. Qu'il voulait bien encore l'avertir, que tôt ou tard, il lui ferait du pis qu'il pourrait. Mais qu'il voulait bien aussi, avec la même candeur, l'avertir que tôt ou tard, lui donner un bon conseil. « Vous êtes tout puissant, » ajouta-t-il. « Tout plie devant vous. Rien ne vous résiste. Qu'est-ce que les plus grands en comparaison de vous? Croyez-moi, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Usez de tout votre pouvoir, mettez-vous en repos et faites-moi arrêter si vous l'osez. Qui pourra vous en empêcher? Faites-moi arrêter, vous dis-je. Vous n'avez que ce parti à prendre. » Ici, l'hypothèse de Dubois d'une stratégie de Villeroy est complètement balayée, et même de l'hésitation du Saint-Simon personnage que j'évoquais tout à l'heure. Il ne reste absolument plus rien. Ce que le texte décrit comme une sorte d'évidence non problématisée est une véritable déferlante. On peut bien sûr envisager les choses sur le plan psychologique et voir avant tout ici la peinture d'un moment de folie, Mais si on reste rivé à la question du rapport de l'homme au langage, on a surtout un exemple magistral de situation où le sujet humain, loin de posséder le langage ou de le maîtriser, est au contraire possédé par lui. Pour traduire ce saisissement, Saint-Simon utilise des métaphores relativement conventionnelles, comme celle de la marée qui monte, celle du vomissement, ou encore celle du feu subi, qui ont pourtant l'intérêt de suggérer quelque chose qui se fait de manière inconsciente, avec la logique irrépressible d'un événement naturel pour la première et la dernière des deux images, et de quelque chose qui sort du sujet avec une violence qu'il ne peut pas contenir pour la seconde. Mais cela ne lui suffit pas, et il invente pour l'occasion, dans le feu de la création, cette formidable formule. Il s'empêtra dans le musical de ces phrases, qui est pourtant donnée comme l'explication du déclic initial qui mène le maréchal vers un emportement de plus en plus extravagant. Alors, le dictionnaire de l'Académie française de 1762 donne comme synonyme d'empêtré, embarrassé et engagé, et donne comme exemple un cheval qui s'empêtre les pieds, qui sont donc pris dans une matière dont il ne peut s'extirper. L'image de la musique rapportée à la parole signifie souvent chez Saint-Simon que le discours est vidé de sens, qu'il fonctionne de manière purement phatique, sans plus communiquer aucun contenu. Il dit par exemple de Montrevel qu'il s'était forgé pour séduire les dames un langage qu'il s'était fait de phrases comme en musique, mais tout à fait vide de sens. Elle met donc l'accent, cette image, sur la matérialité d'une langue qui fait en quelque sorte signe sans faire sens. Et si l'on tente de traduire l'expression de Saint-Simon, et traduire ce genre de trait de génie est forcément toujours un peu décevant, on peut y voir la comparaison du langage avec un élément purement matériel, dans lequel le sujet, loin de le maîtriser comme un outil, se perd comme il s'enfoncerait dans des sables mouvants. Le langage n'est pas un instrument que l'être humain pourrait manipuler, mais un élément dans lequel il baigne, et en l'occurrence dans lequel il s'enlise et perd pied, par lequel il se trouve complètement débordé et qui acquiert par rapport à lui une forme d'autonomie effrayante, ce qui l'amène à faire exactement le contraire de ce que lui dicte sa raison et à libérer, comme dans un rêve, une tempête d'émotions qu'il était censé contenir. Si je me suis longuement attardé sur cet épisode, c'est parce qu'il propose une des meilleures illustrations d'un des aspects les plus originaux de l'œuvre de Saint-Simon. Il n'est certes pas impossible de trouver des intuitions similaires chez certains des grands romanciers de son époque, comme Prévost ou Marivaux, mais globalement, la période classique, imprégnée de culture rhétorique, aime, jusqu'à Rousseau, à se représenter le langage comme l'objet de maîtrise d'un sujet parlant, habitué à dominer autrui et à le manipuler. La littérature offre une incroyable abondance de scènes où cette manipulation est représentée, depuis le corbeau de La Fontaine obtenant grâce à ses flatteries le fromage du corbeau le renard de La Fontaine obtenant, tout le monde avait compris, grâce à ses flatteries le fromage du corbeau, jusqu'aux constructions rhétoriques vertigineuses des libertins des liaisons dangereuses qui prennent dans leur filet leurs victimes, en passant par la scène du Don Juan de Molière où le protagoniste parvient à berner deux paysannes qui sont pourtant presque l'une à côté de l'autre, ou celle du César de Voltaire, imité de Shakespeare, où Marc-Antoine manipule la foule après le meurtre de César et la retourne contre les conjurés. La formation en profondeur des élites par la culture rhétorique a d'ailleurs amené la critique depuis plusieurs décennies à considérer ce biais comme le plus fécond pour comprendre les ressorts de la création littéraire au XVIIe et au XVIIIe siècle, le biais rhétorique bien sûr. La question est de savoir si d'autres formes de relations au langage, auxquelles la psychanalyse, à travers la question du lapsus ou du mot d'esprit, tels qu'ils ont été analysés par Freud, ou la linguistique, à travers l'étude qu'elle a pu proposer des complexes mécanismes conversationnels, nous ont habitués, sont sinon pensés et théorisés, au moins décrits comme objets d'intuition par la littérature d'Ancien Régime. Or, sur ce plan, aucun écrivain de l'époque classique ne propose un ensemble aussi stupéfiant de scènes où l'homme est en proie au débordement du langage que Saint-Simon. Dans ma thèse, j'avais déjà remarqué ce fait et j'avais appelé de mes voeux un travail de fond sur la question. Je ne peux donc être particulièrement heureux de voir aujourd'hui s'esquisser, dans le cadre de cette journée, Saint-Simon, une réflexion collective sur le même sujet. Le lecteur des mémoires, mais aussi des autres textes de Saint-Simon écrits dans les années 1730, comme ses additions au journal de Dangeau ou ses notes sur tous les duchés Péri, où, dans les années 1740, comme son parallèle des trois premiers rois Bourbons, est régulièrement confronté à des cas spectaculaires d'aphasie, de bégaiement, d'actes manqués de langage, de ratures obsessionnelles, de pathologies du langage, de maux d'esprit fulgurants, parfois autodestructeurs, de dérapages non contrôlés, dont la rencontre Villeroy-Dubois fournit l'archétype. En ce qui concerne le bégaiement oral, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche, l'anecdote la plus impressionnante, sans doute, concerne le duc de Berry. Elle est connue, mais je la rappelle, tant elle peut idéalement illustrer, d'une autre manière, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Saint-Simon lui a préparé un discours pour la cérémonie des renonciations dans un cadre particulièrement solennel, donc où le petit-fils de Louis XIV devrait être un modèle d'éloquence. Mais le prince timide trouve malgré tout le texte toujours trop long et Saint-Simon ne cesse de le raboter. Le jour J, c'est la catastrophe. Le passage est connu, mais on ne se lasse jamais de le relire. Monsieur le duc de Berry en place, on eut assez de peine à faire faire silence. Sitôt qu'on put s'entendre, le premier président fit son compliment à monsieur le duc de Berry. Lorsqu'il fut achevé, ce fut à ce prince à répondre. Il ôta à demi son chapeau, le remit tout de suite, regarda le premier président et dit « Monsieur ?» Après un moment de pause, il répéta « Monsieur ?» Il regarda la compagnie et puis dit encore « Monsieur ?» Il se tourna à monsieur le duc d'Orléans, plus rouge tous deux que le feu, puis au premier président et finalement demeura court, sans qu'autre chose que « Monsieur » lui puisse sortir de la bouche. J'étais vis-à-vis du quatrième président à Mortier et je voyais en plein le désarroi de ce prince. J'en suais. Mais il n'y avait plus de remède. Il se tourna encore à monsieur le duc d'Orléans qui baissait la tête. Tous deux étaient éperdus. Enfin, le président, voyant qu'il n'y avait plus de ressources, finit cette cruelle scène en ôtant son bonnet à monsieur le duc de Berry et s'inclinant fort bas comme si la réponse était finie et tout de suite dit aux gens du roi de parler. Mais il y a aussi, dans les mémoires, des exemples de bégaiement écrit. La manie de toujours retravailler ces textes, sans jamais pouvoir les terminer, du duc de Noailles, étant décrite comme une véritable maladie. Saint-Simon consacre à cette pathologie du duc une page entière qui montre une véritable fascination de sa part pour cette espèce d'impuissance verbale. Et il y revient à plusieurs reprises. Il est difficile de savoir s'il charge la barque pour ridiculiser son ennemi. On sait en effet qu'il déteste particulièrement ce personnage, mais cela n'a pas d'intérêt en soi. Et ce qui mérite notre attention est la peinture qu'il fait de manière saisissante de ce rapport complètement miné à la parole écrite. Alors, je lis un des textes les plus significatifs, qui est dans l'exemplier. Donc, il fait le portrait de Noailles et parmi d'autres traits, enfin, ce qui trouvera à peine croyance d'un homme d'autant d'esprit et employé de si bonne heure, on le verra incapable de faire un mémoire raisonné sur quoi que ce soit et incapable d'écrire une lettre d'affaires. À force de raisonner, de parler, de dicter, de reprendre, de corriger, de raturer, de changer, de refondre, tout s'évapore. Il ne demeure rien. Les jours et les mois s'écoulent. La tête tourne au secrétaire. Il ne sort rien, mais rien, quoi que ce soit. De dépit, quand ces choses qu'il faut pourtant qui existent est montrée, il se résout de la faire faire par un inconnu qu'il a déniché et qu'il a mis sous clé dans un grenier, à qui souvent encore il fait faire et défaire 10 fois, et avec la plus tranquille effronterie, il produit cet ouvrage comme sien. On est ici dans la chronique de 1711, mais Saint-Simon a de la suite dans les idées, et quelques milliers de pages plus loin, il donne un exemple concret de cette impuissance. À propos de Noailles, enfin, il fallut prendre la plume. Noailles se mit à vouloir faire la lettre de monsieur le duc d'Orléans au roi d'Espagne. Au bout de quelques mots, pause longue et un peu de conversation, puis une ligne ou deux, et pause encore, puis rature et renvoie. Elle ne fut pas à moitié qu'il voulut la refondre. C'était son terme favori. Il la fondit et refondit si bien qu'elle demeura fondue et qu'il ne resta rien. Autre leitmotiv des mémoires, les mots d'esprit. Souvent pensés sous l'Ancien Régime comme les manifestations brillantes d'élites faisant la roue dans le domaine du langage, sont parfois clairement présentés par Saint-Simon comme jaillissant directement d'une sorte d'inconscient au point d'avoir des conséquences dangereuses pour ceux qui se sont ainsi égarés. L'exemple le plus connu est le mot d'un duc d'Orléans aviné proposant de boire je cite, à la santé du con capitaine et du con lieutenant, et transformant en un instant Madame de Maintenon et la princesse des Ursins, ainsi aimablement désignées, en implacables ennemies, et qui est régulièrement, à ce mot, présenté par Saint-Simon comme quelque chose qui a échappé au prince et qui a contribué à le marginaliser à la cour. Il s'agit donc d'un dérapage symboliquement suicidaire qu'on peut comparer à celui du comte de Tonnerre, à qui, dit Saint-Simon, il avait échappé, à lui aussi, de dire qu'il ne savait ce qu'il faisait de demeurer en cette boutique, que monsieur était la plus sotte femme du monde et madame le plus sot homme qu'il eût jamais vu. L'un et l'autre le surent et en furent très offensés. Il n'en fut pourtant autre chose, mais le mélange des brocards sur chacun et du mépris extrême qu'il avait acquis le chassèrent à la fin pour mener une vie fort pitoyable. Le comte, on le voit, avait payé son égarement d'une sorte de mort sociale, et le mot qui lui avait échappé comme une pulsion irrésistible et qu'il croyait sans doute drôle en le prononçant avait, comme on a vertige, précipité sa catastrophe. Je pourrais sans exagérer donner des centaines d'autres exemples, comme celui de lettres adressées par erreur aux ennemis qu'elles insultent. Il y en a plusieurs cas dans les mémoires. Mais j'aime aussi citer la sortie incongrue de Languet, qui espère être nommé cardinal, produit devant une foule hilare lorsqu'il entend la liste des promus où il ne figure pas, mais où figure Mailly, et dont la réaction est décrite par Saint-Simon de la manière suivante. Donc il entend la liste des promus, il constate qu'il n'y est pas, que Mailly y est, et il dit... À ce nom, Languet tombe sur sa chaise, la tête sur son assiette, se la prend à deux mains et s'écrie tout haut « Ah ! Il m'a pris mon chapeau !» Cette scène de comédie est profonde, car la convoitise et la frustration de Languet dans un moment de vertige s'étalent avec une sorte d'obscénité, l'intéressé n'ayant pas réussi à retenir cette exclamation grotesque qui les révèle entièrement. La suite est inénarrable, je cite « Un éclat de rire de la compagnie, mal étouffé et surpris, après quelques moments de silence, réveilla le désintéressé prélat. Il demeura déconcerté, laissa résonner sur la promotion, balbutia tard, courtement, rarement, tortilla quelques bouchées, lentement et de loin à loin, pour faire quelque chose, devint le spectacle de la compagnie, et la quitta, lorsqu'on fut hors de table, tout le plus tôt qu'il put. Tout dans la réaction de l'assistance montre que Languet a laissé cette parole s'enfuir sans pouvoir la retenir, qu'elle a directement jailli de son inconscient en l'exposant à la situation la plus parfaitement ridicule et humiliante. Cette image d'une parole qui n'est pas un objet de maîtrise atteint jusqu'au roi. Certes, Louis XIV est présenté, Claire Calliat l'a montré dans sa magnifique thèse, le plus souvent dans les mémoires de Saint-Simon, comme un maître de la parole, dont l'efficacité est fondée sur un principe d'extrême économie. Ces énoncés sont le plus souvent laconiques, comme si chaque mot prononcé en trop menaçait de porter atteinte à la dignité de l'image royale. Et le discours royal par excellence est le fameux « je verrai » que le roi, semble-t-il, prononçait dans bien des occasions et qui opposait à l'agitation argumentative de ceux qui avaient quelque chose à lui demander, le mystère d'une autorité qui n'a pas de compte à rendre et se contente du strict minimum. Cette maîtrise de soi est également remarquable dans le rapport du roi à son propre corps, et la scène absolument stupéfiante des mémoires qui montre le roi restant absolument impassible alors qu'un mystérieux paquet surgit de nulle part tombe sur sa table en est peut-être la meilleure illustration. Saint-Simon décrit cet événement insolite avec brio et souligne le contraste entre son caractère extraordinaire et le contrôle de soi que montre le roi, faisant imperturbable ce sobre constat « Je pense que ce sont mes franges », lesquelles franges avaient été volées un peu auparavant. Avouons que le roi ne prend aucun risque et que son contrôle du langage passe par un minimalisme majestueux. Mais cette somptueuse façade s'écroule occasionnellement, et Louis XIV n'est pas plus qu'un autre incapable de résister à ces moments où le langage déborde le sujet. Une des scènes les plus significatives se trouve dans la chronique de 1707. Madame Torcy a commis un impair en paraissant involontairement remettre en question la préséance sur elle d'une duchesse, et Louis XIV éclate d'une colère contre elle qui est décrite sur plusieurs pages comme une succession de crises irrépressibles, Saint-Simon insistant sur l'incapacité du roi à se contrôler et sur de brèves accalmies, laissant aussitôt la place à de nouvelles tempêtes de violence verbale et d'indignation. L'image globale du roi dans les mémoires est considérablement modifiée par ce passage qui contribue à son approfondissement et à sa complexification. Cependant, en ce genre, plus importante encore est la scène célèbre entre toutes, c'est une des plus célèbres des mémoires, du bassin des Carpes, où le roi, apprenant une fausse couche de la duchesse de Bourgogne en 1708, face à l'émotion des courtisans rassemblés autour de lui à Marly, explose d'une sorte de colère impressionnante, comme un tremblement de terre de la parole, et révèle l'atrocité de son égoïsme et surtout d'un point de vue politique l'essence de son absolutisme qui est pour Saint-Simon de confondre sa personne avec la dignité de la monarchie elle-même. Rien ne laisse présager ce que le mémorialiste appelle une sortie qui laisse après elle les courtisans comme pétrifiés et exerce sur eux une violence traumatique telle que la communication ensuite n'arrive pas à reprendre, patine, s'enraye. Or, loin d'apparaître comme le tour de force d'un roi stratège et maître de lui-même, ce discours semble avoir, dans sa violence torrentielle, surgi lui aussi directement de l'inconscient du roi pour faire éclater sa vérité profonde sur la scène publique. Saint-Simon, d'ailleurs, loin d'évoquer une préméditation ou une volonté consciente d'intimider, utilise les mots de colère et d'impétuosité, et le discours royal semble comme produit par des émotions incontrôlables et soudaines. La gêne collective qu'il décrit longuement après le discours du roi atteint d'ailleurs le roi lui-même, qui peine à faire revenir les choses à la normale et en est réduit à essayer de convaincre les personnages présents de trouver les carpes du bassin assez intéressantes pour s'entretenir à leur sujet. Ce dernier trait montre l'intuition chez Saint-Simon de ce qu'on appellera plus tard la fonction fatigue du langage et, une fois de plus, sa capacité à décrire et à penser des phénomènes langagiers qui ne doivent strictement rien à la tradition rhétorique. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas ce passage intimement, donc je vais quand même prendre le temps de relire sa partie centrale. Les courtisans viennent d'être les témoins d'une scène muette qui a vu la duchesse du Lude murmurer à l'oreille du roi la nouvelle. À la fin, le roi, arrivant tout auprès du bassin, regarda ce qui était là de plus principal et, sans adresser la parole à personne, dit d'un air de dépit ses seules paroles « La duchesse de Bourgogne est blessée. » Voilà monsieur de La Rochefoucauld à s'exclamer. Monsieur de Bouillon, le duc de Trèmes et le maréchal de Boufflers à répéter à basse note. Puis monsieur de La Rochefoucauld à se récrier plus fort que c'était le plus grand malheur du monde et que s'étant déjà blessée d'autrefois, elle n'en aurait peut-être plus. « Et quand cela serait ?» interrompit le roi tout d'un coup avec colère, qui jusque-là n'avait dit mot. « Qu'est-ce que cela me ferait? Est-ce qu'elle n'a pas déjà une fille? Est-ce qu'elle n'a pas déjà un fils? Et quand il mourrait, est-ce que le duc de Berry n'est pas en âge de se marier et d'en avoir? Et que m'importe qui me succède des uns ou des autres? Ne sont-ce pas également mes petits-fils? » Et tout de suite, avec impétuosité, Dieu merci, elle est blessée, puisqu'elle avait à l'être. Et je ne serai plus contrarié dans mes voyages et dans tout ce que j'ai envie de faire par les représentations des médecins et les raisonnements des matrones. J'irai et viendrai à ma fantaisie et on me laissera en repos. Un silence à entendre une fourmi marcher succéda à cette espèce de sortie. On baissait les yeux. À peine osait-on respirer. Chacun demeura stupéfait. Jusqu'aux gens de bâtiment et aux jardiniers demeurèrent immobiles. Ce silence dura plus d'un quart d'heure. Le roi le rompit, appuyé sur la balustrade, pour parler d'une carpe. Personne ne répondit. Il adressa après la parole sur ces carpes à des gens des bâtiments qui ne soutinrent pas la conversation à l'ordinaire. Il ne fut question que de carpes avec eux. Tout fut languissant et le roi s'en alla quelque temps après. Alors, j'ai commenté le texte avant de le lire, mais il me semble qu'à plusieurs niveaux, il offre pour le sujet d'aujourd'hui ce qu'on a coutume d'appeler un exemple en or. Je conclus en souhaitant de tout cœur la bienvenue à ceux qui sont venus aujourd'hui, parfois de loin, pour approfondir cette question avec nous et en me félicitant que cette journée Saint-Simon soit le cadre d'une réflexion sur un des aspects les moins systématiquement travaillés jusqu'à présent de l'œuvre du plus grand de tous les mémorialistes d'Ancien Régime. Nous avons voulu, avec Delphine, qui a préparé et conçu cette journée avec moi, qui est là, hein, devant, et qui m'a fait l'honneur d'accepter que je l'introduise, attirer l'attention sur une question de représentation, celle du sujet parlant dans l'œuvre de Saint-Simon. Il n'en reste pas moins que ce sujet touche de près à un autre, celle du sujet écrivant les mémoires, du créateur au travail, et de la relation qu'il entretient lui-même en tant que recréateur du passé au langage. Or, comme l'enthousiasme de la génération romantique et de toute la modernité pour Saint-Simon l'a montré, parfois de manière un peu naïve, en parlant de style à la Diable ou de Tacite à la Shakespeare, le succès posthume de Saint-Simon s'explique pour une large part par la perception dans son texte d'une prodigieuse énergie qui ne se résorbe pas en maîtrise et tient au déchaînement de forces langagières dont la seule rhétorique ne peut pas rendre compte. Si on relit par exemple le célèbre portrait du duc de Noailles figurant dans la chronique de 1715, il semble de bout en bout porté par une haine telle que plutôt que de lire un texte soigné et polissé, on croit lire la version écrite d'un torrent d'imprécations du type de celle que Villeroy fait subir à Dubois. La syntaxe a presque disparu pour laisser la place à une frénésie sans limite qui s'enivre de sa propre fureur et va toujours plus loin dans les extravagances de langage, les accumulations chaotiques, les images échevelées. On peut bien sûr utiliser les catégories de la rhétorique pour décrire formellement ce qui se passe dans le texte, mais elles ne suffisent plus s'il s'agit de rendre compte de son intensité, de sa puissance explosive et de ce qu'il faut bien appeler sa folie. Saint-Simon, bien sûr, se targue d'être un maître du langage, un orateur hors pair, et se met souvent en scène dans le rôle d'un homme qui sait utiliser le langage pour parvenir à ses fins. Mais la réalité de son œuvre, dans ses aspects les plus fascinants, nous dit tout autre chose, et de l'homme en général, et de Saint-Simon en particulier, et des raisons pour lesquelles son œuvre nous passionne encore aujourd'hui, alors que tant d'autres écrits de la même époque sont au mieux des objets d'étude pour les purs érudits. Sa modernité, si on tient à ce mot, en ce qui me concerne, je ne tiens pas particulièrement, et je préférerais parler de vitalité, tient en partie à ce qu'il dynamite, aussi bien sur le plan de la représentation que sur celui de l'énonciation, la conception du sujet parlant qui domine son époque, et qu'à travers les intuitions géniales qu'il a sur ce sujet, il mérite d'être mis à côté d'un Dostoïevski, dont il anticipe la pensée poétique du langage de plus d'un siècle. J'ai terminé.